Chapitre 5. Les préparatifs d'Étienne le sabotier, les adieux, les enfants d'une même patrie. Les enfants d'une même patrie doivent s'aimer et se soutenir comme les enfants d'une même mère. Pendant qu'André et Julien mangeaient, Étienne entra. « Enfant, dit le sabotier en se frottant les mains, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai travaillé pour vous depuis ce matin. D'abord, je vous ai trouvé deux places dans la charrette d'un camarade qui va chercher des foins tout près de Saint-Quirin, village voisin de la frontière, où vous coucherez ce soir. On vous descendra à un quart d'heure du village. Cela économisera les petites jambes de Julien et les tiennes, André. Ensuite, j'ai écrit un mot de billet que voici, pour vous recommander à une vieille connaissance que j'ai aux environs de Saint-Quirin, Fritz, ancien garde forestier de la commune. Vous serez reçus là à bras ouverts, les enfants, et vous y dormirez une bonne nuit. Enfin, ce qui vaut mieux encore, Fritz vous servira de guide le lendemain dans la montagne, et vous mènera hors de la frontière par des chemins où vous ne rencontrerez personne qui puisse vous voir. C'est un vieux chasseur que l'ami Fritz, un chasseur qui connaît tous les sentiers de la montagne et de la forêt. Soyez tranquille, dans 48 heures, vous serez en France. « Oh, monsieur Étienne, s'écria André, vous êtes bon. Vous êtes bon pour nous, comme un saint compère. »« Mes enfants, répondit Étienne, vous êtes les fils de mon meilleur ami. Il est juste que je vous vienne en aide. Et puis, est-ce que tous les Français ne doivent pas être prêts à soutenir entre eux ?»« À votre tour, ajouta-t-il d'une voix grave, quand vous rencontrerez un enfant de la France en danger, vous l'aiderez comme je vous aide à 7 heures. Et ainsi vous aurez fait pour la patrie ce que nous faisons pour elle aujourd'hui. » En achevant ces paroles, Étienne entra dans la pièce voisine où était son atelier de sabotier et, voulant réparer le temps perdu, il se mit à travailler avec activité. Le petit Julien l'avait suivi et il prenait grand plaisir à le voir creuser et façonner si lestement les bûches de hêtre de la montagne. Vers le milieu de l'après-midi, la carriole dont avait parlé le père Étienne s'arrêta sur la grande route. Le charretier, comme cela était convenu, siffla de tous ses poumons pour avertir les jeunes voyageurs. À ce signal, André et Julien saisirent rapidement leur paquet de voyage. Ils embrassèrent de tout leur cœur la mère Étienne, et aussitôt le sabotier les conduisit vers la carriole. Après une nouvelle accolade, après les dernières et paternelles recommandations du brave homme, les enfants se casèrent dans le fond de la carriole. Le charretier fit claquer son fouet, et le cheval se mit au petit trot. Le père Étienne, resté seul sur la grande route, suivait des yeux la voiture qui s'éloignait. Il se sentait à la fois tout triste et pourtant fier de voir les enfants partir. « Brave et chère jeunesse, murmurait-il, va, cours porter à la patrie des cœurs de plus pour la chérir. » Et lorsque la voiture eut disparu, il revint chez lui lentement, songeur, pensant au père des deux orphelins, à son vieil ami d'enfance qui dormait son dernier sommeil sous la terre de Lorraine, tandis que ses deux fils s'en allaient seuls désormais au grand hasard de la vie. Alors une larme glissa des yeux du vieillard. « Juste Dieu, murmura-t-il, bénis et protège cette jeunesse innocente et sans appui. » Le sabotier des Vosges. On fabrique surtout les sabots dans les pays de forêts et de montagnes, et on se sert principalement de bois, de hêtre ou de noyer pour y creuser les sabots. Il y a beaucoup de sabotiers dans les Vosges, car ces montagnes sont très boisées.